Bénissons le Seigneur qui nous donne encore ces instants dans sa présence. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, partout où vous vous retrouvez. Nous disons bienvenue dans ce culte. Et nous allons commencer ce culte par un passage qui nous encourage ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 84, et nous allons prendre le sixième verset. Psaume 84, le sixième verset, la Bible dit ceci: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu. La partie qui m'intéresse ce soir, c'est cette partie qui nous encourage. La Bible est en train de nous dire, nous renouvelons notre force lorsque nous plaçons notre confiance, notre appui en Dieu. Ce soir, avec la force que Dieu nous communique, je vais nous demander, bien-aimés, quelle que soit la situation par laquelle nous passons, une situation de joie ou ce n'est pas de peur, de peine, heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Nous allons trouver des chemins tout tracés. Raison pour laquelle, avec cette parole qui nous encourage, bien-aimés, nous allons nous tenir debout et nous allons commencer encore une fois à acclamer le Seigneur. Tenons-nous debout, acclamons le roi de rois. Oui, vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Le voisin a pris d'habitude, à des heures comme celle-ci, d'entendre des acclamations dans une maison. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. C'est lui que nous avons toujours acclamé. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas par une sensibilisation de l'officiant que je le fais. Mais mon cœur le comprend. Mon âme comprend. Il y a un seul qui est digne d'être acclamé. Il y a un seul qui est digne d'être élevé. Nous le proclamons ce soir. Est-ce que nous pouvons ajouter des cris de joie? Des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous comprend. Quand devant nous il y a un géant Goliath, lui nous donne l'assurance de lui couper la tête. Quand devant nous il y a une grande mer, lui il nous trace un chemin dans la mer. Quand il y a des prodiges qui parlent derrière notre dos, il y a quelqu'un qui nous défend. Merci pour ta faveur. Asante kwa ajili ya kibali chako. Merci pour ta bonne main. Asante kwa mkono wako mwema. Sur ton église. Juu ya kanisa lako. Tu es au contrôle. Wewe ndio unayeongoza. Tu es au contrôle. Wewe ndio unayeongoza. Quand la mer se déchaîne. Wakati bahari inafurika. Tu es au contrôle. Wewe ndio unayeongoza. Oui, éternel notre Dieu. Ndio Bwana Mungu wetu. Tu es au contrôle dans le monde entier. Unaongoza ndani ya dunia nzima. Tu es au contrôle dans notre pays. Unaongoza ndani ya nchi yetu. Rien n'échappe à ton contrôle. Hakuna kinachopita pembeni ya utawala wako. Na tunainua jina lako takatifu. Bariki ibada hii. Marche avec nous. Tembea pamoja nasi. Vois cette famille. Tazama jamaa hii. Réunis autour de ce moment. Ambao linakusanyika kwa wakati huu. En train de t'écouter, de t'adorer. Kusikiliza na kukuabudu. Considère cet homme. Mwendo kamono dans son bureau. Ndani ya ofisi yake. Dans son véhicule. Ndani ya gari yake. Dans sa chambre. Ndani ya chumba chake. Dans son salon. Ndani ya saloni yake. En train de t'élever. Akiwa na kuinua. Oh Dieu. Ewe Mungu, reçois notre culte. Pokea ibada yetu. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours. Bariki Mungu kwa ajili ya siku hii. Et si tu es présent dans ce culte, que tu sois, tu vas acclamer ce grand Dieu. Tu vas pousser un cri de joie. Tu vas pousser un cri d'allégresse pour élever notre Dieu. Il est notre Dieu. Et il siège au milieu de la louange d'Israël, son peuple. Amen. Amen. Nous allons élever ce Dieu par nos offrandes. Tutamuinua huyu Mungu kupitia sadaka zetu. Si tu es là, là où tu es, tu peux le faire. Kama uko mahali ulipo unaweza kuifanya. Et le Seigneur sera glorifié. Na Bwana atatukuzwa. Seigneur, agrée toute forme d'offrande. Bwana pokea kila aina ya sadaka. Que ton peuple soumet à ta grâce. Ambao taifa lako linatoa mbele yako. Laisse que ta grâce arrose. Acha neema yako iende kamimini. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Nous sommes en train de bénir le Seigneur pour notre culte. Et nous le bénissons pour cet enseignement. Tu crois que c'est un moment propice ni mda que Dieu a prévu dans son calendrier. Mungu ametayarisha ndani ya kalenda yake. Depuis hier, tangu jana, nous sommes en train de partager tuko tunazungumzia sur l'avenir du monde selon la prophétie biblique. Juu ya ujao wa dunia kufuatana na unabii wa Biblia. L'avenir du monde ujao wa dunia selon les saintes écritures kufuatana na maandiko matakatifu. Nous sommes en train de nous dire tuko tunasema qu'est-ce que Dieu a prévu Mungu ametayarisha nini dans l'évolution des nations ndani ya kuendelea kwa mataifa. Et la grande pensée na wazo kubwa, le grand but même de cet enseignement na lengo kubwa ya mafundisho haya, que les enfants de Dieu arrivent à être affermis ni kwamba watoto wa Mungu waende wakaimarishwe et comprendre na waelewe que quand tout échappe au contrôle de l'homme ya kwamba wakati mambo hayaendeki mbele ya mwanadamu rien n'échappe au contrôle de Dieu. Hakuna kinachopita pembeni ya utawala Dieu, wa Mungu. Il est entièrement responsable Mungu anakuwa mkubwa de la gestion de l'univers. Wa uongozi wa dunia. Il pouvait même dire nangepaswa kusema quand il parle à ses enfants anapoambia watoto wake il dit même le cheveu de votre tête sont comptés. Anasema hata nywele za kichwani mwenu zinahesabiwa. À d'autres termes, kwa maneno mengine, rien n'arrive hakuna kinachofika si je ne suis pas en train de le maîtriser. Kama mimi si kitawale vizuri. Je confesse dans ma foi ninakiri ndani ya imani yangu que tout ce qui arrive ya kwamba yote yanayofika il y a la main de Dieu kuna mkono wa Mungu qui contrôle tout ambao inatawala kila kitu. Et Dieu sait Mungu anajua ce qui doit arriver à ses enfants inayopasha kuwafikia watoto wake. Pourquoi cela arrive sababu gani hiyo inafika cela va rumer à quoi na hii itatembea namna gani. Nous avons dit hier tulisema jana que nous avons quatre sous-thèmes ya kwamba tunakuwa na mada ndogo nne. Et déjà hier nous avons développé le premier sous-thème na jana tulizungumzia mada ndogo ya kwanza que nous avons appelé les sept vérités fondamentales sur la prophétie de temps ambayo tuliita ukweli saba wa msingi juu ya unabii wa wakati. C'était déjà une introduction. Ilikuwa ni kiingilio tayari. Pour pouvoir nous situer par rapport à la prophétie. Ili tuweze kuona wazi juu ya unabii. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Nini napasha kuelewa kufuatana na hiyo? Ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on doit lire la prophétie. Haiko kwa kila aina ambayo unapaswa kusoma unabii. Ce n'est pas tout ce qui apparaît qui est prophétie. Haiko yote inayotokea ndio unabii. Aujourd'hui, il y a beaucoup des éléments par rapport aux médias. Leo kuna mambo mengi kufuatana na mitandao. Aujourd'hui vous vous réveillez. Leo namka. Quelqu'un vous dit voilà les nuages avaient la forme des bateaux. Anakuambia ya kwamba mawingu ilikuwa inafanana kama bimbo. C'est le temps de Noé. Nous voulons entrer dans le déluge. Anakuambia mawingu ilifanana mashua na anakuambia ni wakati wa Noé. Quelqu'un d'autre se réveille. Il y avait un nuage noir à la forme d'un c'est pas d'un cheval kulikuwa mawingu nyeusi nayofanana na farasi. Somme d'Apocalypse 6 anakuambia tuko ndani ya kitabu cha Ufunuo 6 mapigo inaanza tayari. Non, ce n'est pas comme ça que la prophétie marche. Hapana, sio hivyo ndivyo unabii unatembea. Il y a de vérité fondamentale. Kuna ukweli wa msingi. Il faut considérer ambao inaomba kuelewa afin d'avoir la meilleure interprétation ili uwe na utafsiri mzuri et d'atteindre le but de Dieu na ufikie lengo la Mungu. Il y a de ceux-là qui considèrent considèrent la prophétie biblique kuna wale wanaona unabii wa Biblia comme un moyen de terrorisme kama vile njia ya kuogopesha watu. Dieu n'a pas l'intention de terroriser l'église. Mungu hana haja ya kuogopesha kanisa. Même quand l'apocalypse semble un langage terrifiant hata wakati ufunuo unaonekana kama vile masemi ya kuogopesha il est démontré inaonekana que au temps des apôtres ya kwamba kwa wakati wa wanafunzi quand on a écrit la lettre ou alors les sept lettres aux sept églises. Walipoandika mabarua saba kwa makanisa saba. Quand l'apôtre Jean wakati mtume Yohana a commencé à présenter la révélation. Alianza kuonyesha ufunuo. Il n'avait pas l'intention de terroriser ses auditeurs. Hakukuwa na shabaha ya kuogopesha wasikilizaji wake. Mais il avait l'intention de leur communiquer l'espérance. Lakini alikuwa na shabaha ya kuwatangazia tumaini. Le but de Dieu lengo la Mungu c'était de leur dire. Ilikuwa ni kuambia. Nous traversons des moments difficiles. Hakika tunapitia wakati ngumu. Les nations sont en train de prendre le pouvoir. Mataifa yako yanachukua utawala. Écraser ce qui est de Dieu. Wakuona kanyaga iliyo ya Mungu. De faire souffrir le peuple. Wakiwatesa watu. De persécuter l'église. Wakitesa kanisa. Mais lakini dans le calendrier de Dieu, ndani ya kalenda ya Mungu, les nations ont leur fin. Mataifa yana mwisho wake. Le règne des hommes utawala wa wanadamu arriveront à leur fin. Utafika kwa mwisho wake. Il était en train de consoler l'église. Alikuwa akifariji kanisa. Ce n'est pas pour dire. Si kwa kusema. Alors vous allez souffrir. Sasa mtateseka. Vous allez voir. Mutaona. Loin de là. Apana. Ce n'était même pas une lettre adressée aux païens. Haikukua hata barua iliyoandikwa kwa ajili ya wapagani. Le révélation ici était lue dans des moments secrets. Ufunuo hii ilisomeka ndani ya wakati wa siri. C'était au temps où l'église traversait la persécution. Ni wakati ambao kanisa ilikuwa inapitia mateso. On lisait même dans des grottes. Walikuwa wanasomea hata ndani ya mawe. À d'autres termes, ce n'était même pas la révélation pour intimider le monde. Kwa maneno mengine haikukua ufunuo kwa kuogopesha dunia. Parce que la prophétie est destinée au peuple de Dieu. Sababu unabii inakuwa inaongelewa juu ya taifa la Hallelujah. Mungu. Amen. Et donc nous n'avons pas l'intention de vous intimider. Na ni kusema hatutaki kuogopesha. À la fin de cet enseignement, vous devez être revigoré dans votre esprit. Kwa mwisho wa mafundisho haya seti muwe tena na nguvu ndani ya roho yenu. Vous devez être content. Mnapaswa kufurahi. Plein d'espoir. Mkijaa tumaini. Parce que vous comprenez. Sababu mnaelewa. Premièrement que votre Dieu est au contrôle. Ya kwanza kwamba Mungu wenu ndiye anashikilia mambo. Deuxièmement qu'il a prévu une destinée glorieuse pour vous. Ya pili ametayarisha ujao ya utukufu kwa ajili yenu na ya tatu. Vous comprenez que le diable et son royaume ont une fin. Unaelewa ya kwamba shetani na ufalme wake wana mwisho. Soyez donc apaisé. Mwe basi na amani. Et écoutez cet enseignement avec appétit et avec joie. Nasikilizeni mafundisho haya pamoja na hamu. Alors nous avons parlé de sept vérités. Basi tutazungumzia ukweli saba. Ça c'est ce que nous avons dit hier. Kweli huo ndio tuliosema jana ukweli wa kwanza. C'est que la prophétie c'est la source de notre bonheur. Ni kwamba unabii inakuwa chemchemu ya furaha yetu. Jean dit, Yohana kasema, heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent la prophétie. Na wanaosikiliza unabii. La prophétie communique le bonheur. Unabii unaleta furaha. Une église qui est attachée à la prophétie sera dans la joie. Itakuwa ndani ya furaha. Une joie qui n'est pas attachée au bien matériel. Furaha ambayo ambatane na vitu vya mais dunia. Une joie qui est attachée à l'attente et à l'avenir qui nous attend. Lakini furaha inayoambatana na ujao na kungojea na utu. La deuxième vérité. Ukweli wa pili. C'est que la prophétie biblique c'est une boussole. Ni kwamba unabii wa Biblia inakuwa ni kiongozi. Une lampe. Inakuwa ni taa. Qui conduit l'église. Inayoongoza kanisa. Qui conduit les enfants de Dieu. Inayoongoza watoto wa Mungu. Nous ne sommes pas appelés. Hatuitwe. À lire les événements du temps. Kusoma matukio ya wakati. À lire ce qui arrive dans le monde. Kusoma inayofika duniani. Seulement par rapport à ce que les médias nous présentent. Kufuatana na ile tu ambayo mitandao inatuonyesha. Mais nous avons les saintes écritures. Lakini tuna maandiko matakatifu. Dans lesquels Dieu a prévu un calendrier. Mambo ndani mwake Mungu ametayarisha kalenda. Et nous pouvons lire ce calendrier. Na tunaweza kusoma kalenda hiyo. Et comprendre à quelle heure nous sommes. Na kuelewa tuko kwa muda gani. L'apôtre Jean pouvait dire. Mtume Yohana angepaswa kusema. Petits enfants. Watoto wadogo. Vous savez à quelle heure nous sommes. Mnajua tuko kwa saa gani. L'apôtre Paul pouvait dire. Mtume Paulo angepaswa kusema. Vous connaissez que nous sommes dans le temps de la nuit. Mnajua ya kwamba tuko kwa wakati usiku. Et que la nuit est avancée. Na kwamba usiku umesonga. Ah oui, la prophétie nous amène l'horizon. l'horloge de Dieu. Hakika unabii inatuletea saa ya Mungu. Pour que nous puissions nous situer. Ili tuweze kujua tuko wapi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Kwa Mungu wetu. La troisième vérité, ukweli wa tatu, c'est que la prophétie c'est une révélation de Dieu. Ni kwamba unabii inakuwa ni ufunuo wa Mungu. Ce n'est pas une analyse. Haiko uchunguzi. L'analyse des hommes, uchunguzi wa wanadamu, c'est qu'on peut lire la succession des événements. Ni kwamba unaweza kuona jinsi matukio yanafuatana. Et à déduire la finalité. Na unatoa ndani mwake matokeo yake ya mwisho. Et là donc on peut dire, na hapo naweza parce kusema, qu'on voit ceci, sababu tunaona hii, ceci va arriver. Hii inaweza kufika. Ce n'est pas ça la prophétie. Siyo, hiyo unabii. La prophétie unabii a déjà été révélée. Imesha funuliwa tayari. Et les événements viennent se ranger dans l'accomplissement de cette prophétie. Na matukio zinakuja kujiweka kwenye mustari kwa kutimiza hiyo unabii. Nous n'avons pas besoin de prophètes. Na hatuna haja ya manabii. Qui viennent parler. Ambao wanakuja kusema. Oh non, j'avais vu ça. Oh niliona hii. Hapana. Ce sont les gens qui disent. Ni watu wanaosema. Le prophète avait dit ça. Nabii alisema. Quand la chose arrive, wakati kitu le peuple se rappelle de la parole du prophète. Watu wanakumbuka sasa neno la nabii. Mais aujourd'hui les gens veulent dire. Lakini leo watu quand quelque chose arrive. Wakati kitu oh non, je le savais. Nilikuwa najua. Oh non, je l'avais vu. Nilikuwa nimeiona. Non, ça ce sont des profiteurs. Hao watu ni watu des opportunistes. Watu wanaotufaidia. Dieu ne peut pas être opportuniste. Na Mungu yeye si mtu anayefaidia tu nda. Dieu annonce les choses d'avance. Mungu alitangaza mambo mbeleni. Et les hommes retrouvent ces choses en train de s'accomplir. Na watu wanakuta mambo haya yakitimilika. Combien de fois la prophétie révèle la grandeur de Dieu. Na mara ngapi unabii unaonyesha ukubwa wa Mungu. Vous savez aujourd'hui les églises sont perdues. Unajua leo makanisa yanapotea. Il y a même beaucoup de gens découragés dans l'église. Kuna watu hata wengi ambao wanavunjika moyo kanisani. Plus que ceux qui sont découragés sans Christ. Kushinda wale wanaovunjika moyo ambao hawana Kristo. Sababu gani? Parce qu'on a présenté le miracle. Sababu wameonyesha miujiza. On a présenté essentiellement le miracle. Walionyesha tu miujiza. Au point que quelqu'un dit, na hata mtu anasema, si je vois tel miracle, nikiona muujiza fulani, alors je vais croire que Dieu me connaît. Sasa nitaamini ya kwamba Mungu ananijua. Mais il y a quelque chose, kuna kitu moja, qui révèle la grandeur de Dieu. Kinachoonyesha ukubwa wa Mungu. Au-delà de nos besoins. Ambayo iko juu ya mahitaji yetu. Au-delà de nos réalités. Ambayo iko juu ya ukweli wetu. Dieu peut ne pas me bénir. Mungu anaweza kuwa hata nibariki. À mes yeux. Kwa macho yangu. Dieu peut ne pas me donner quelque chose. Mungu anaweza kuwa hata que j'attends. Kitu ambacho ninachokisubiria. Je peux prier et ne pas être naweza kuomba na nisijibiwe. À cause de plusieurs choses que je ne peux pas comprendre. Sababu ya vitu vingi ambavyo siwezi kuelewa. Et là je peux me décourager. Na hapo naweza kuvunjika moyo. Si je marche seulement par rapport à la dimension évangélique. Kama natembea tu kufuatana na hii kiwango cha injili. Par rapport au miracle. Kufuatana na miujiza. Je peux abandonner la foi. Naweza kuacha imani. Mais si je crois à la prophétie biblique. Lakini kama naamini unabii wa Biblia. Il y a des événements. Kuna matukio. Il y a de réalité ukweli, qui révèle Dieu à telle Mungu, sorte que hata, même quand je n'ai rien je kitu, peux dire le Seigneur est vivant. Kusema, je ni peux hai. Dire la Bible avait dit naweza ça. Kusema, Bible je peux hivi. Dire Dieu avait prévu ça. Kusema, Mungu il est Dieu. Yeye ni Mungu. Il y a des années avant même la naissance de Jésus. Kuna miaka nyingi mbele hata ya il a kwa prévu Yesu. Alianda. Comment les royaumes vont se succéder? Namna gani mafalme zitafuatana? Comment les empires vont se suivre? Namna gani mafalme zitafuatana? Et ces empires se sont suivis comme tels. Na mafalme hizo zilifuatana les hivyo. Pouvoirs dans le monde utawala duniani ont suivi la logique zilifuata kistari du rêve qu'il a donné à Nebuchadnezzar. Ya ile ndoto aliyompatia même l'historien. Hata muhistoria qui se dit athée, ambaye anasema yeye hamini, il atteste yeye que le royaume se sont suivi ya kwamba mafalme selon l'interprétation de Daniel. Kufuatana na tafsiri ya Daniel. Même les occultistes, hata wasuda, même les gens qui sont dans l'ordre mondial, hata watu walio ndani ya chama ya mabia uchawi, quand ils lisent la prophétie, wanaposoma unabii, ils confirment, wanahakikisha que les choses se sont accomplies, ya kwamba vitu vilitimilika comme Dieu l'avait révélé. Je suis en train de dire nasema, qu'il y a une autre dimension d'adoration ya kwamba kuna kiwango à laquelle Dieu nous attend. Ambapo Mungu anatungojea. Pas parce qu'il nous a bénis. Hapana sababu alitubariki. Pas parce que nous avons réussi à ceci ou à cela, mais parce que ce que Dieu a dit, c'est accompli. Je pose à quelqu'un une question. As-tu déjà adoré Dieu pour les événements qui se passent dans le monde, ou tu es seulement de ceux-là qui adore Dieu parce qu'ils ont eu telle ou telle autre chose? C'est la dimension la plus petite. Parce que même le païen a de grandes choses plus que ce que les chrétiens ont. Mais ce qui fait la différence, c'est ce que Dieu a dit et ça s'accomplit. Hallelujah. Amen. Quatrième vérité, c'est que la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. En d'autres termes, la prophétie est centrée sur Christ. C'est Christ qui est élevé dans la prophétie. Ce n'est pas un homme qui est élevé. Aujourd'hui, il y a des gens qui décortiquent la prophétie. Mais à la fin, vous vous rendez compte qu'ils ont élevé l'ordre mondial. Ils ont élevé les puissances occultes. Et les enfants de Dieu noyés dans ce débat-là. Oh, les occultes qui sont prévus. Oh, l'ordre mondial veut ceci. Mais si l'ordre mondial a prévu, pensez-vous que ça écrase Dieu? La Bible dit ceci. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. À d'autres termes, à la fin de toute présentation prophétique, c'est Dieu qui est élevé. C'est Jésus qui ressort. C'est Jésus qui est le gagnant. J'aimerais que tu acclames Jésus. Il est le gagnant de tous les temps. Il est le gagnant de tous les siècles. Pousse un cri de joie pour lui. Parce qu'il est le roi des rois. Il contrôle tous les systèmes. Et il est celui qui ressort comme le dernier gagnant. Si tu es avec lui, tu es aussi le dernier gagnant. Les Quinois parlent de Nzombo le soir. Même quand il est trop tard, il est celui qui s'élève. La cinquième vérité, c'est qu'il révèle trois nations. Les nations, l'Église Kanisa, et Israël. Na Israël. La sixième vérité, na ukweli wa sita, c'est que c'est Dieu qui a initié la prophétie. Ni kwamba ni Mungu ndiye ameanza unabii. Il en est l'auteur, yeye ndiye mwanzilishaji, et il en est l'acteur, na yeye ndiye mwigizaji. Et la dernière vérité, na ukweli wa mwisho, c'est que le but de la prophétie, ni kwamba lengo la unabii, c'est d'amener l'homme à Dieu. Ni kumleta mtu kwa Mungu. Ça n'a aucun autre but. Haina lengo ingine. La prophétie n'est pas là pour nous terroriser, unabii haiko pale kwa mais pour nous préparer à la rencontre lakini avec notre Dieu. Parlons maintenant de notre deuxième point. Les événements majeurs ambao ni matukio kubwa de la prophétie de fin des temps. Ya unabii wa mwisho wa wakati. Quels sont les événements ni nini matukio qui vont se succéder ambazo zitafuatana? Quels sont les grands moments ni wakati gani mkubwa qui marquent le calendrier de Dieu ambazo zinaonyesha kalenda ya Mungu? Et il y en a beaucoup. Na kuna nyingi. Mais sur par rapport au temps qui nous est donné, lakini kufuatana na muda ambao tunao, nous allons prendre sept. Tutazungumza juu ya saba. Nous sommes dans le livre de Psaumes chapitre 89. Tuko ndani ya kitabu cha Zaburi 89. Le verset 16. Mstari wake wa 16. Psaume 89 16. Zaburi 89 mstari wake wa 16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Heureux le peuple. Heri taifa. Qui connaît. Inayojua. Le son de la trompette. Sauti ya baragumu. Heureux le peuple. Heri taifa. Qui connaît les cris de Dieu. Inayojua sauti ya Mungu. Les cris de convocation solennelle. Sauti ya kuita. Ce peuple-là. Taifa hilo. Marche à la clarté de la face de l'Éternel. Inatembea kwa mwanga wa uso wa Mungu. Ça c'est l'homme d'Ethan. Huyu ni Ethan. Ethan c'est un chantre. Ethan ni mwimbaji. Qui élève Dieu. Ambaye anamuinua Mungu. Et dans son adoration. Na ndani ya maabudu yake. Dans sa louange. Ndani ya sifa zake. Il reconnaît une chose, c'est que Le peuple qui est heureux, ni kwamba taifa lenye ce n'est pas le peuple qui a beaucoup de richesses. L'église qui est bénie, kanisa inayobarikiwa, ce n'est pas l'église qui a beaucoup de biens. Ce n'est pas l'église qui fait beaucoup de bruit. L'homme qui est heureux, ce n'est pas celui qui a beaucoup de possessions, mais c'est celui qui a une oreille. Hallelujah. Amen. Qui a une oreille. Esaïe nous a dit ceci. Isaya katuambia le Seigneur Bwana m'a donné une langue exercée. Amenipatia ulimi uliohodari pour consoler les faibles. Kwa ajili ya kuwafariji wale wadhaifu. Mais il m'a donné aussi. Lakini amenipa pia l'oreille du disciple. Sikio la mfuasi. Ah oui, il y a un bonheur. Kuna heri. Attaché à l'oreille. Ambayo inambatana na sikio. Celui qui écoute la prophétie. Anayesikia unabii. Il est heureux. Yeye ni mwenye heri. Jean chapitre 1 le verset 3. Jean 1er, Apocalypse chapitre 1 verset 3. Ufunuo moja mstari wake wa 3. Jean dit, heureux ceux qui écoutent. Heri wanaosikia. Même le roi Salomon. Hata mfalme Salomono. Il a compris la valeur de l'oreille. Alielewa samani ya sikio. Il dit ceci. Anasema hivi. L'œil qui voit. Jicho linaloona. Et l'oreille qui attend. Na sikio linayosikia. C'est Dieu qui donne. Ni Mungu ndiye anayepana. Si y a une prière que nous pouvons faire. Kama kuna ombi ambalo tunapaswa kufanya. C'est de demander à Dieu de nous donner l'oreille. Ni Mungu atupe sikio. Parce que le peuple qui est heureux. Sababu taifa iliona heri. C'est le peuple qui connaît le son de la trompette. Ni sauti nayo ni taifa inayojua sauti ya baragumu. Quand la trompette sonnera. Wakati baragumu italia. Le peuple sait de quoi il s'agit. Taifa inajua hii ni nini. Il y a des événements. Kuna matukio. Qui sont comme des sons. Ambao yanakuwa kama vile sauti. Qui sont comme des signaux. Ambao yanakuwa kama vile alama. Qui sont comme des alarmes qui parlent aux enfants de Dieu. Ambazo zinakuwa kama kengele zinazozungumza na watoto wa Mungu. Soyez préparés. Zikiwaambia muwe. À la rencontre de mujiandae kwa kukutana na Mungu wenu. Comprenez à quel temps vous êtes. Mwelewe kwa wakati gani. Et nous parlons de sept événements. Na tunazungumzia matokeo. Le premier événement. Tukio la kwanza. C'est l'essor des nations. Ni kuendelea kwa mataifa. L'évolution au milieu des nations. Kuendelea ndani ya mataifa. C'est un événement. Inakuwa ni tukio. Ce sont des signes. Inakuwa ni alama. Qu'est-ce que ça nous dit? Hii inatuambia nini? Deuxième chose. Kitu cha pili. Les jugements de Dieu. Inakuwa ni hukumu ya Mungu. Il y a des événements qui arrivent. Kuna matukio yanayofika. Qui sont des jugements. Ambayo inakuwa ni hukumu. Ça nous alerte. Hii inatuarifu. Et le peuple qui a l'oreille du disciple. Na taifa iliyo na sikio ya mwanafunzi inaweza kusikia. Le langage de Dieu. Inaweza kusikia. Il y a des jugements. Masemi ya Mungu. Troisième chose. Kitu cha tatu. C'est l'enlèvement de l'église. Ni kunyakuliwa kwa kanisa. C'est un événement important. Inakuwa ni tukio muhimu. Qui arrivera. Ambayo itafika. Et c'est seulement le peuple qui est avisé. Na ni taifa lililoarifiwa. Qui sera pris. Ndilo litakalochukuliwa. Quatrième événement. Tukio la nne. C'est l'apparition de l'impie. Ni kuonekana ama ufunuo la manifestation de l'antéchrist, l'antichrist. Ama kuonekana kwa mpinga Kristo. Du diable. Ama shetani. Cinquième événement. Tukio la tano. C'est la bataille d'Armageddon. Ni vita vya Harmagedoni. Il y aura une bataille qu'on appelle Armageddon. Kuna vita wanavyoviita Harmagedoni. Et c'est un événement important dans la prophétie. Na ni tukio ya muhimu ndani ya Biblia. Sixième élément. Ya tukio la sita. C'est l'emprisonnement du diable. Ni kufungwa kwa shetani. Il y aura un temps. Kutakuwa wakati. Où le diable sera prisonnier. Ambapo shetani atakuwa mfungwa. Cloué dans la prison de Dieu. Atakuwa nafungwa ndani ya gereza la Mungu. C'est un événement prophétique important. Ni tukio la unabii iliyo ya muhimu. Et le septième événement. Na tukio la saba. C'est la bataille de Gog et Magog. Ni vita vya Gog na Magog. Et après cette bataille. Na kisha vita hivi. Ça sera la fin du monde. Itakuwa ni mwisho wa dunia. Je veux dire la fin des temps. Nitasema mwisho wa wakati. Je veux dire la fin du système des hommes. Nitasema mwisho wa uongozi wa wanadamu. La fin de tout. Ni wa, mwisho wa yote. Parce qu'il y a plusieurs fins. Sababu kuna vitu vingi. Il y a la fin du temps de l'église. Kuna mwisho nyingi, kuna mwisho wakati wa kanisa. Qui est marqué par l'enlèvement. Ambao unafikia wakati wa kunyakuliwa. Il y a la fin des nations. Kuna mwisho wa mataifa. Qui est marqué par la bataille de Gog et Magog. Ambao unaonyeshana kupitia vita vya Gog na Magog. La fin du monde. Na kuna mwisho wa dunia. Qui est marqué par la fin de l'ordre et du système du monde. Ambayo inaonekana kupitia mwisho wa uongozi wa dunia. Il y a trois fins qu'il faut distinguer. Ni kusema kuna mwisho tatu ambao naomba kutoka. Kuna mwisho wa wakati wa kanisa. Marqué par l'enlèvement. Ambao inaonekana wakati wa kunyakuliwa. Kanisa inaenda. Mais le monde va continuer à fonctionner. Lakini dunia itaendelea kutumika. Mais à un moment donné. Lakini kwa wakati fulani. Le monde va s'arrêter. Dunia itasimama. Je parle du monde à terme de pouvoir. Nazungumzia dunia kama vile mamlaka. Les Nations Unies. Umoja wa l'Union européenne, umoja wa Ulaya, l'Union africaine, umoja wa Afrika, la FMI, la Banque mondiale, inayo, tous ces systèmes seront au service de l'ennemi et contrôlent le monde. Na mais il y aura un temps où le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le prince de paix, mettra fin à tout ce système. Et c'est quand il va combattre dans la bataille de Gog et Magog. Na ni wakati wa vita vya Gog na Magog. Mais à la fin, na kwa mwisho, la Bible dit, Biblia nasema, j'ai vu, ça c'est Jean. Huyu ni Yohana. Il dit, j'ai vu dans la vision. Anasema nikaona ndani ya maono. Dieu en train de plier le ciel. Mungu akigunja mbingu. Comme une natte. Kama vile murago. De plier le monde. Akigunja dunia. Comme une natte. Kama vile mkeka. Et tous les deux de les jeter dans la Bible. Na vyote viwili akavitupa ndani. Il y aura un temps où tout ce qui existe kutakuwa wakati ambao yote ilio va être changé. Itabadilishwa. Et ça, ça sera quand Dieu sera en train d'implanter l'ordre divin sur la terre. Na hii itakuwa wakati Mungu atakuwa na taratibu ya Mungu duniani. Itakuwa mbingu mpya na dunia. Parlons de l'essor des nations. Tuzungumzie kuendelea kwa mataifa. C'est le premier événement. Ni tukio la kwanza. L'évolution des nations. Kuendelea kwa mataifa. Le progrès des nations. Kuendelea kwa mataifa. Doit alerter l'église. Inapaswa kuarifu kanisa. Dieu n'est pas contre l'évolution. Mungu hapingani na kuendelea. Mais l'évolution. Lakini maendeleo. Nous amène quelque part. Inatupeleka nafasi fulani. Parce que dans l'évolution. Sababu ndani ya maendeleo. La prophétie prévoit. Unabii unatayarisha. Que même l'homme va faire des choses. Ya kwamba hata mwanadamu atafanya mambo. Qui vont détruire la terre. Yatakayo haribu dunia. Vous imaginez quand vous évoluez. Unaona wakati mnaendelea. Pour détruire même ce qui vous fait vivre. Kwa ajili ya kuharibu hata ile inayofanya kwamba mwishi. L'évolution technologique. Leo kuendelea kwa teknolojia. Crée en même temps la mort. Inaleta hapo hapo kifo. Ça, ce sont des choses prévues dans la prophétie. Hivi ni vitu vilivyoandaliwa ndani ya unabii. Ce n'est pas étonnant pour Dieu. Na haiko vitu vya kushangaza kwa Mungu. Quand il y a des perturbations sur la terre. Wakati kuna vitu vinavyo changanyikishwa duniani. Suite à des progrès. Technologie. Sababu ya maendeleo ya teknolojia. Alors, quand Dieu a parlé à Daniel, wakati Mungu alimwambia Danieli, Daniel était à Babylone. Daniel alikuwa Babiloni. Et Dieu se révèle à un païen. Na Mungu anajifunua kwa mpagani. Il se révèle au roi de Babylone. Anajifunua kwa mfalme wa Babiloni. Il parle à l'homme de Nebuchadnezzar. Anamwambia Nebuchadnezzar. Qui était comme la première puissance de l'époque. Ambaye alikuwa kama vile ufalme ama utawala wa kwanza wakati huo. Dieu a affaire avec de grandes puissances. Unajua Mungu anatumika mara quand il veut communiquer un message clair. Wakati anatamani kutangaza ujumbe ulio wazi ambao sheti tuelewe. Lorsque le Seigneur voulait parler de réalités économiques. Wakati Mungu alitafuta kuzungumzia ukweli. Il s'est révélé à Pharaon. Akajifunua kwa Farao. Et il a élevé Joseph pour donner l'interprétation. Na kamuinua Yusufu kwa kuleta tafsiri. Lorsque Dieu a voulu donner la ligne de temps. Wakati Mungu alitamani kuonyesha maendeleo ya pouvoir du monde. Ya ufalme. Il a révélé à Nebuchadnezzar. Akamfunulia Nebuchadnezzar. Ça c'est dans le livre de Daniel. Hii ni kitabu cha Danieli. Le deuxième chapitre. Sura ya pili. Il était dans le sommeil. Alikuwa ndani ya usingizi. Et Dieu lui montre. Na Mungu anamuonyesha. Une statue gigantesque. Anamuonyesha sanamu kubwa. Cette statue là. Sanamu hiyo. Qui a été vue. Ambayo ilionekana. Avant des siècles avant Jésus-Christ. Mbele ya miaka Yesu kuzaliwa. Porte l'histoire que nous traversons jusqu'à ce moment. Inabeba historia ambayo tunapitia. Tout ce que nous vivons yote tunayoishi incarné dans cette statue. Ilikuwa ndani ya hiyo sanamu. Et cette statue nous révèle. Na sanamu hiyo inatuonyesha mambo haya. Quand nous lisons la prophétie de Daniel, tunaposoma unabii wa Danieli, nous comprenons cet essor des nations. Tunaelewa maendeleo hii ya mataifa. La première chose que nous comprenons, jambo la kwanza tunaloelewa, c'est l'essor de l'orgueil humain. Inakuwa ni kukomaa kwa kiburi cha mwanadamu. Dans les événements qui arrivent, ndani ya matukio yanayofika, l'homme devient de plus en plus arrogant jusqu'à ce qu'il va croire qu'il est Dieu. Ou il va chercher à prendre la place de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la statue était avait l'image d'un homme. Na ndio maana Biblia nasema ya kwamba hii sanamu ilikuwa na picha ya mwanadamu. Oh roi. Anasema tu voyais dans ta vision. Uliona ndani ya maono yako. Ukaona sanamu kubwa. Comme un homme. Kama vile mtu. L'homme monte. Mutu anapanda. Et aujourd'hui. Na leo. Dans les événements de fin de temps. Ndani ya wakati, ndani ya matukio ya mwisho. Vous allez voir la montée de cet orgueil de l'homme. Utaona kupanda kwa kiburi cha mwanadamu. Et sur la terre. Hapa duniani. Des hommes. Kuna watu. Qui pensent même. Ambao wanafikiri kwamba. Que leur vie est importante plus que la vie des autres. Maisha yao ni ya muhimu ya maana kushinda ya wengine. Ils peuvent décider sur la mort des continents, des pays et des nations. Na wanaweza kuamua juu ya kifo ndani ya mainchi, mataifa. Ils peuvent décider sur des épidémies dans des pays. Wanaweza kuamua juu ya majanga magonjwa yatakayofika ndani ya nchi. Ils peuvent décider sur des disparitions de certaines tribus ou des ethnies. Wanaweza kuamua juu makabila fulani ziende zikatoweke. Il y a des villages qui ont été ravagés. Kuna vijiji ambavyo viliangamizwa. Sur des décisions des autres hommes. Sababu ya maamuzi ya watu wengine. Qui ont le même sang dans leur corps. Ambao wana damu ile ile mwilini mwao. Qui ont le souffle dans leur narine. Wanao pumzi moja ndani. Mais qu'est-ce qui les pousse à faire ça? La question est celle-ci. Swali ni hili. Kati o homme. Una nini ewe que tu n'as pas reçu. Ambao wewe hukupokea. Ceux qui ont le pouvoir. Wanao mamlaka. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Wana nini ya tofauti? Ce n'est que la grâce de Dieu. Ni neema tu ya Mungu. Celui qui élève l'un. Anayemuinua mmoja. Il peut rabaisser. Niye anayeweza kushusha. L'orgueil de l'homme. Kiburi cha mwanadamu. Fait que l'homme croit qu'il est devenu Dieu. Kinafanya kwamba mwanadamu afikiri amekuwa. Il y a ceux qui pensent qu'ils ont la suprématie. Kuna wale wanaofikiria kwamba wana ukubwa kushinda wote na wanaamua. C'est pourquoi les hommes se sont fait adorer. Ndio maana watu wamefanya kwamba waabudiwe. Ils ont fait des statues pour être adorés. Wamefanya sanamu kwa ajili ya kuabudiwa. Même ceux qui ne font pas des statues. Hata wale ambao hawafanyi sanamu. Ils font des actes orgueilleux. Wanafanya vitendo vya kiburi. Qui démontrent qu'ils pensent qu'ils sont des dieux. Vinavyoonyesha kwamba wanafikiri wao ni Mungu. Il y a d'autres qui se lèvent et disent moi je peux décider de ta carrière. Mkuna wengine wanasimama naweza kuamua juu ya kazi yako naweza kumaliza kazi yako. Il y a d'autres qui disent nous pouvons mettre votre pays à feu. Kuna wengine wanasema tunaweza kuunguza nchi yetu. La statue qui a l'image de l'homme. Hii inakuwa ni sanamu na deuxième sort. Maendeleo ya pili. C'est le sort matériel. Inakuwa ni maendeleo ya vitu. Il dit j'ai vu la statue. Anasema nikaona sanamu. Qui avait des pierres précieuses. Ambayo ilikuwa na mawe ya samani. La tête était d'or. Kichwa kilikuwa cha dhahabu. Et vous allez voir qu'il y a des matériaux, des pierres précieuses, l'or, les reins. Na utaona ya kwamba kuna mawe ya samani, kuna shaba, kuna dhahabu. Ça démontre cet esprit matérialiste qui va caractériser l'homme. Inaonyesha hii roho ya kupenda vitu takayokuwa ndani ya mwanadamu. L'homme attaché au matériel. Mwanadamu ambaye anapenda sana vitu. De plus en plus vers la fin de temps. Na zaidi kwa mwisho wa wakati. L'homme va honorer le bien plus que Dieu. Mtu ataheshimu vitu kushinda kumheshimu Mungu. C'est pourquoi les gens sont prêts. Na ndio maana watu wako tayari. À ravager des villes. Kuharibu juste michi. Parce qu'il y a un carré minier. Sababu humo mnakuwa shamba la malipo. La valeur de la vie ne dit rien. Na samani ya maisha mwambie kitu. C'est l'argent qui compte. Lakini ni pesa ndio. Il y a des gens qui empoisonnent. Na samani. Na kuna watu wanaloga wengine. Parce que l'esprit matérialiste. Sababu roho wa kupenda vitu ni roho wa mwisho wakati. Da Daniel 7 et 8. Ndani ya Danieli 7 na 8. Daniel voit maintenant la vision de la statue. Daniel anaona maono ya mais sanamu. Cette vision, il le voit dans le règne animal. Lakini hii maono anayona ndani ya utawala wa nyama. Dieu lui révèle le royaume. Mungu anamwonyesha mafalme. Le premier royaume, il le montre un lion. Ufalme wa kwanza anaonyesha simba. Deuxième royaume un ours. Ufalme wa pili dubu. Troisième royaume un léopard. Ufalme wa tatu chui. Quatrième royaume un animal sans forme. Na ufalme wa nne inakuwa ni nyama ambayo ni hatari. C'est quel signe pour la fin des temps? Inakuwa ni alama ya mwisho wa wakati. C'est l'esprit de l'animosité. Inakuwa ni roho ya mnyama. C'est l'esprit sauvage. Inakuwa ni roho wa pori. Qui va caractériser l'homme. Ambayo itakuwa ndani ya mwanadamu. N'as-tu pas l'esprit déjà de la fin de temps. Je hauna roho ya mwisho wakati. Il y a des gens qui sont devenus des animaux. Kuna watu ambao wageuka kama nyama. C'est ce que Daniel a vu. Ni hii ndio Daniel aliona. Aujourd'hui les lois qui disent voilà. Leo kuna sheria zinazosema. Un père peut coucher avec sa fille. Baba anaweza lala na mtoto wake. Une mère avec son garçon. Mama un frère avec sa sœur et des lois sont votées par des hérédits de la science. Pamoja na watu ambao ni watafiti. Qu'est-ce wa qui se passe? Nini il n'y a pas la notion d'honneur. Hakuna tena ils heshma. Sont dans l'esprit des nations. Wako ndani ya roho ya mataifa. Ils sont dans la sauvagerie. Wako ndani ya roho ya mnyama. C'est l'esprit sauvage qui les ni roho wa mnyama na yeye waongoza. L'homme peut boire le sang de notre homme. Mwanadamu anaweza kunywa damu ya mtu mwingine. Pour avoir le pouvoir. Ili awe na mamlaka. L'homme peut coucher avec toutes les femmes dans son bureau. Mwanaume anaweza kulala na wanawake wote ofisini mwake. Toutes les femmes de ses collègues. Anaenda kulala na wanawake wote wa warafiki zake na sana rien de gloire. Hakuna l'esprit de la bête. Lakini ni roho mnyama. L'esprit sauvage. Ni roho mnyama. Qui conduit ces choses. Ambaye anaongoza mambo haya. L'église doit combattre. Na kanisa inapaswa kupigana. Doit faire tout pour ne pas être dans cet esprit. Ama inapaswa kufanya yote isiwe ndani ya roho hii na maendeleo ya mwisho. Il y a la fin de temps. Kuna mwisho wakati. La connaissance augmentera. Ujuzi ama elimu ita itaendelea. Daniel chapitre 12 le verset 4. Daniel 12 mstari wake wa 4. Cette connaissance va augmenter à deux niveaux. Elimu hii itaongezeka kwa la connaissance séculière itakuwa elimu ya dunia et la connaissance des écritures. Na elimu ya maandiko. Nous sommes dans un temps où les chrétiens doivent connaître la prophétie. Kuna tuko ndani ya wakati ambao Daniel Kristo anapaswa kuelewa unabii. Écrit ces choses dans les livres. Danieli akasema Dieu dit à Daniel. Mungu anamwambia Danieli. Écrit ces révélations dans dans un livre. Andika ufunuo huu ndani ya kitabu. Et que ce livre soit scellé. Na kitabu hiki chende kikatiliwe muhuri. Parce que le peuple à la fin des temps. Sababu kwa mwisho wa wakati. Sa connaissance augmentera. Ujuzi wa mataifa utaongezeka na wataelewa nini nayo andiko. Bien aimé, quand nous voyons l'essor du monde, pende tunapoona maendeleo ya mataifa. Comprenons le mouvement qui est en train d'être en œuvre. Tuelewe nini ambayo yuko ndani. Deuxième événement. Tokio la pili. C'est le jugement de Dieu sur la terre. Inakuwa ni hukumu ya Mungu duniani. Quand nous lisons dans Esaïe 61. Tunaposoma ndani ya kitabu cha Isaya 61. 1 à 3. Moja hadi tatu. Esaïe est en train de dire ceci. Isaya anasema hivi. L'esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana ni juu yangu. Il m'a oint. Amenipaka mafuta. Pour kwa ajili annoncer la bonne nouvelle. Ya kutangaza habari njema. Pour guérir les malades. Kwa ajili ya kuwaponya wagonjwa. Pour faire 1 2 3 4. Kwa ajili ya kufanya moja mbili tatu. Dans cette révélation. Na ndani ya ufunuo huo. De l'onction de Dieu sur Jésus. Ya upako wa Mungu juu ya Yesu. De l'action de l'esprit sur Jésus. Ya tendo la roho juu ya Yesu. Il y a deux choses qui sont claires. Kuna vitu mbili vilivyo wazi. Deux saisons qui sont annoncées. Kuna wakati mbili nayo deux missions qui sont spécifiées. Na kazi mbili zinazoonyeshwa. La première chose, jambo la kwanza, il m'a oint. Anasema amenipaka. Pour annoncer une année de grâce. Ili niweze kutangaza mwaka wa neema. C'est le temps de l'église. Inakuwa ni wakati wa kanisa. C'est le temps du salut. Ni wakati wa wokovu. C'est le temps où on peut se repentir. Ni wakati ambao unaweza kutubu. C'est le temps de faire la mission. Ni wakati wa kufanya misioni. L'évangélisation. Wa kuhubiri. Et là le miracle nous accompagne. Na hapo miujiza zinatusindikiza. Les signes nous accompagnent. Alama zinatusindikiza. Le deuxième temps il dit ceci. Lakini wakati wa pili anasema hivi. Annoncer ni kutangaza un jour de vengeance. Siku ya kisasi. Mais quand Jésus a parlé lui-même, Yesu aliposema yeye mwenyewe, quand il était dans la synagogue, alipokuwa ndani ya synagogue, avant de commencer son ministère, mbele ya kuanza huduma yake, il a seulement parlé de l'année de grâce. Alisema tu juu ya mwaka wa neema. Dans Luc chapitre 4 le verset 20. Ndani ya Luka 4 mstari wa 20. Vous descendez 18 à 24. Il a dit, je suis venu anasema nimekuja pour annoncer kwa ajili ya kutangaza une année de grâce. Mwaka wa neema. Il n'a pas parlé de l'année ou alors du jour de vengeance. Lakini hakuzungumza juu ya siku je dis ya que le jugement ce sont des réalités prévues dans la prophétie. Nasema ya kwamba hukumu inakuwa ni tukio zilizotayarishwa ndani ya unabii. Il y a quatre espaces de jugement. Na kuna nafasi ine ya hukumu. Il y a des jugements qui se passent au niveau du ciel. Kuna hukumu zinazopitikana mbinguni. Déjà le diable avait été chassé du ciel. C'était un jugement. Shetani kwanza alifukuzwa toka mbingu ilikuwa ni hukumu. Il y a des jugements qui se passent sur la terre. Kuna hukumu zinazopitikana duniani. Les guerres, vita, les épidémies. Hata na magonjwa majanga. Il y a des jugements qui vont se passer à Jérusalem. Kuna hukumu itakayopitikana Yerusalemu. C'est comme quand Jésus a annoncé. Ni kama wakati Yesu alipotangaza. La destruction de Jérusalem. Kubomolewa kwa Yerusalemu. Il dit il ne restera pas pierre sur pierre. Anasema kutabaki jiwe jiwe. Qui ne soit renversé. Ambayo haitabomolewa. Il parlait de la destruction des temples qui existent. Alikuwa anazungumzia kubomolewa kwa hekalu iliyokuwa. Hiyo ni hukumu. Quatrième jugement. Hukumu ya ine. C'est dans le monde qu'on appelle enfer. Là où Dieu va juger l'impie et tous ses acolytes. Mahali ambapo Mungu atahukumu muovu shetani na watumishi wake wote. Alors il faut différencier quatre sortes de jugements. Inomba kutofautisha aina ine ya hukumu. Il y a des jugements qui viennent avant Jésus et disons pendant le temps de l'église. Kuna hukumu zinazokuja wakati wa kanisa. Dans Matthieu chapitre 24 le verset 6. Ndani ya Mathayo 24 mstari wake wa 6. Yesu anasema, vous allez voir toutes ces choses. Mtaona mambo haya yote. Tous ces jugements. Hukumu hizi zote. Mais ça ne sera pas encore la fin. Lakini itakuwa haijakuwa mwisho. Il y a deuxièmement des jugements pendant la tribulation. Kutakuwa mateso kwa wakati wa mateso. Kuna hukumu wakati wa mateso. Là c'est quand l'antichrist sera sur la terre. Hapa ni wakati mpinga Kristo atakuwa duniani. Il y a aussi des jugements pendant le millénium. Kutakuwa hata hukumu wakati wa miaka elfu. La Bible nous parle d'une prison. Biblia inatuzungumzia gereza. Où on va mettre le diable. Ambamo wataweka shetani. C'est déjà un jugement. Hiyo ni hukumu. Et il y a le jugement de fin des temps. Kuna pia hukumu ya mwisho wakati. Nous devons savoir. Tunapaswa que Dieu il est celui qui juge. Ya kwamba Mungu ndiye anayehukumu. S'il a été avec le manteau du sacerdoce. Kama alikuwa na vazi la Bible dit Jésus est un sacrificateur aujourd'hui. Biblia nasema Yesu ni kuhani leo. Mais il est aussi juge. Lakini pia yeye ni mhukumu. L'apôtre Jean est en train de dire. Mtume Yohana anasema, je vis il y a un silence dans le ciel. Nikaona kukakuwa kimya mbinguni. Et l'ange qui donnait le la sang. Na ule malaika aliyekuwa akitoa. L'autel de la sang est devenu un trône de jugement. Ile mazabahu ya kutolea zabihu ikageuka mazabahu ya kufanya hukumu. N'est pas seulement sacrificateur. Ndio Mungu siye kuhani tu. Pour la rémission des péchés. Kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Il est aussi juge. Yeye pia ni mhukumu. Il punit l'iniquité. Na hukumu. Même si nous sommes dans la grâce. Ana hukumu zambi hata tuko ndani ya neema. Fais attention. Tufanye angalizo. Il y aura un temps où Dieu va condamner. Kutakuwa wakati ambapo Mungu atahukumu. Troisième événement. Tukio la tatu. C'est l'enlèvement. Ni kunyakuliwa. L'église sera enlevée. Kanisa litanyakuliwa. Ce sera un événement. Na itakuwa ni tukio. Que le monde ne comprendra pas. Ambao ulimwengu hautaelewa. Ce qui est étonnant. Ambao ni ya kushangaza. C'est que le monde ne saura même pas. Ni kwamba dunia haitajua hata. La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4 16 à 18. Biblia inasema ndani ya Wathesalonike wa kwanza 1 signal donné 16 hadi 18. À la voix de l'archange. Kwa sauti ya malaika. Au son de la trompette. Kwa sauti ya barakumu. Le ciel s'ouvrira. Mbingu itafunguka. Et Dieu descendra. Na Mungu atashuka. Et nous les vivants nous allons le rejoindre. Na sisi tulio hai tutakutana naye. C'est là que nous allons comprendre même l'action du Saint-Esprit. Na hapo ndipo tutaelewa hata kazi ya Roho Mtakatifu. Parce que quand le Saint-Esprit sera parti. Sababu wakati Roho Mtakatifu atakwenda. Le Saint-Esprit va partir officiellement quand l'église sera enlevée. Roho Mtakatifu ataenda wakati kanisa litanyakuliwa. Le monde va rester dans l'inconscience terrible. Dunia tabaki ndani ya kukosewa na zamiri hata. Les gens vont continuer à vivre. Watu wataendelea kuishi. Ils vont même oublier qu'il y a des autres qui ont disparu. Watasahau ya kwamba hata kuna wengine ambao wametoweka. Et l'antichrist va apparaître. Na mpinga Kristo atatokea. Et ils vont le suivre. Na watamfuata. Parce que l'esprit qui peut convaincre ne sera plus là. Sababu roho ambaye anaweza kuitikisha atakuwa haiko tena. Il y a des gens qui pensent que ça sera facile d'être sauvé après l'enlèvement. Kuna watu wanawaza ya kwamba itakuwa rahisi kuokolewa kisha kunyakuliwa. Sio rahisi. Où est-ce que vous allez tirer la conscience? Zamiru taitosha wapi? Où est-ce que vous allez avoir l'esprit qui vous convainc? Utatosha wapi roho inayo. La Bible dit je vous enverrai le Saint-Esprit. Biblia nasema nitawatumia Roho Mtakatifu. Il vous convaincra du péché. Atawahakikisha juu ya dhambi. Du jugement. Juu ya hukumu. Il vous rappellera mes enseignements. Atawakumbusha mafundisho yangu. Le Saint-Esprit sera parti. Na sasa Roho Mtakatifu avec l'église tayari pamoja na kanisa. Là hapo, Jésus ne piétinera pas le sol. Yesu hata kanyanga dunia. Il va attendre son église. Atangoja kanisa lake. Dans les airs. Ndani ya anga. C'est comme Isaac. Ni kama vile Isaac est sorti. Isaac alitoka. À la rencontre de Rebecca. Kwenda kukutana na Rebecca. Ils se sont retrouvés dans le champ. Wakakutana ndani ya shamba. Et quand Rebecca a vu Isaac. Na wakati Rebecca elle s'est couvert. Isaac, akajifunika. Elle a reçu son fiancé. Akampokea mchumba wake. Et c'est de là. Nani hapo. Avec Eliezer. Pamoja na Eliezer. Qui est l'image du Saint-Esprit. Ni picha l'esprit qui prépare l'église. Roho Mtakatifu anayetayarisha kanisa. Les trois sont venus maintenant à Abraham. Na wale watatu wote wakamjia. Jésus va rencontrer son église dans les airs. Bien-aimé, ne rate pas ce jour-là. Mpendo usikose siku hiyo. Tu peux rater tous les autres rendez-vous. Naweza kosa mais ne rate pas l'enlèvement. Lakini usikose si la mort arrive, alors tu vas être dans la tombe. À l'attente du son de la trompette. Si tu seras encore vivant, quand la trompette sonnera, tu vas rejoindre le maître. Parce que après cet événement, ça sera l'impie qui va régner. Satan va maintenant venir sur la terre. Je préfère parler de ce point demain. Afin que j'explique les histoires de Antichrist 666. Si j'avais même un habit qui a 666, je devais porter ça. Pour que nous puissions comprendre. Les gens croient que c'est un chiffre. Et tout le monde l'interprète comme il veut. Oh. Ça c'est demain. Ça sera le quatrième événement. Et nous serons en train de parler maintenant des signes. Là où tu es, tu vas te lever. J'aimerais que tu puisses prier. Dis Seigneur, je ne veux pas rater l'enlèvement. Je veux que le jour où tu vas venir, que je sois enlevé, que je sois pris. Je ne veux pas rater ceci. Nafsi yangu ya kutamani. Je veux te rencontrer. Je ne veux rien d'autre. Je peux rater les richesses du monde. Mais le jour de l'enlèvement, ce n'est pas l'argent qui nous fera cette grâce-là. Ce n'est pas les richesses. Ce n'est pas le nombre de voyages. Mais c'est celui qui a le Saint-Esprit qui sera pris. Demande à Dieu de te préparer à la rencontre de Dieu. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, là où tu es, mets-toi à genoux. La Bible déclare, si tu l'évoques, si tu évoques Jésus, tu seras sauvé. Mets-toi à genoux là où tu es. Demande à Dieu pardon. Dis Seigneur, reçois mon âme. Et aujourd'hui tu seras sauvé. Et toi qui es déjà sauvé, dis je ne veux pas rater. Je ne veux pas rater. Demande au Saint-Esprit de te remplir encore. Pour être prêt au jour du Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Dieu, remplis-nous de ton esprit. Oh Dieu, prépare-nous à chaque moment que nous soyons en mesure d'être prêts comme une vierge sage de rencontrer le Seigneur. Nous ne voulons pas être parmi les cinq sages folles. Nous ne voulons pas être les cinq vierges folles. Nous voulons être prêts à te rencontrer, Seigneur. Nous voulons être prêts à entrer dans ta présence. Viens nous aider. Viens nous secourir. Que nos lampes ne manquent pas de lumière. Que nos lampes ne manquent pas de lumière. Que nos lampes ne manquent pas de l'huile. Que ton onction ne manque pas sur notre tête. Oh Dieu, répands le Saint-Esprit dans l'église de fin de temps. Renouvelle l'onction de tes serviteurs. Renouvelle ton onction dans nos églises pour que nous soyons prêts à l'enlèvement. Continue à sauver les âmes pour ton royaume. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Oh Dieu. Prépare ton église à la rencontre avec le Seigneur. Tu vas finalement prier pour notre pays. Nous allons recommander le pays entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu de régner dans le Congo. Nous allons élever Dieu comme roi. Notre président avait dédié ce pays à Dieu. Nous allons dire Seigneur, prends ces paroles et sois le roi du pays. Viens régner sur le pays. Viens régner dans les institutions. Et que toute autre activité tout ce qui est mauvais pour ce pays soit annulé sans effet. Prions le Seigneur et tu vas continuer cette prière même après une heure. Là où tu es, continue la prière. Prie pour la nation. Élève le roi des rois dans la nation. Élève Dieu sur cette nation. Alléluia, Seigneur, règne sur le Congo. Règne sur cette nation. Règne dans nos institutions. Arrête toute forme, ô Dieu, des malheurs. Toute forme des complots. Toute forme des troubles. Sois le roi de ce pays. Car il est écrit, ce peuple-là apportera des sacrifices à l'Israël. Que le pays s'élève et te bénit. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui continuent ces prières dans leur maison. Cet homme et cette femme qui a suivi le message. Que le Saint-Esprit continue à nous enseigner dans le nom de Jésus. Amen. Thank you.